La signalisation indique une route express. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une chaussée à sens unique sur 300 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.